Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, c'est votre rendez-vous rock'n'roll, punk et musique bruyante, Lost in Space sur le 100 FM de Radioactive. Et on attaque immédiatement avec les Adolescents. C'est leur titre American Dogs in Europe. Comme d'hab, si vous avez besoin de savoir les morceaux passés ce soir, connectez-vous sur le site. C'est parti. Broken heart, when you bang your gun, I'll surely run to you, my angel, my angel, my angel. des groupes tels que The Rapture, Chicks on Speed ou Radio 4 à la fin des années 90, mais aussi toute la scène électroclash, puiseront dans la rencontre du punk, du funk, du disco, du dub et du reggae, propre au début des années 80, et ceci afin de trouver des idées, de se construire une identité sonore nouvelle. We're sweating up a storm in here. Yeah, we're getting pretty sweaty in here. I love it. Yeah, it's good stuff. Not hot LA nights. Hollywood nights. You're going to be the new bomb Turk. You're the new bomb Turk. New bomb! I can't say the rest of the line. Oh, it's got a bit of a wang to it. All right, yeah, do it. Play some tunes. F it. We'll be right back. Au CE2, j'en voulais déjà à mort au directeur de l'école. Au moindre incident, vol, casse ou bagarre, j'étais automatiquement convoqué. Bon, c'est vrai, j'étais probablement responsable de 90% des coups fourrés, mais pour m'en sortir, je suis vite devenu un baratineur de première. J'avais une telle rancœur contre l'administration que drôle d'idée me traversait la tête. Ce serait marrant de détacher les anneaux de la balançoire, de les faire tournoyer, de les balancer dans la grande fenêtre de l'école pour voir. Je suis sorti en cachette une nuit avec mon meilleur ami Joe Walters pour mettre mon plan en exécution. Quand la police est arrivée, on a filé comme des lapins vers Plaster Creek pour leur échapper. Des années plus tard, j'ai envoyé à Brookside un mandat anonyme pour rembourser les dégâts. Just the way I feel, I don't know why. Well, I learned from my mistakes. This time I will escape. I'm too young to die. Just the way I feel, I don't know why. Well, I learned from my mistakes. This time I will escape. I'm too young to die. all over me. Just a nuclear bomb. Like a sense of danger here, but my sense of fear is gone. Restless blood pumps my restless heart. This will be no silent night. Spirit of a new dark age, revealed by artificial light. Vous avez jamais eu l'impression de vous faire avoir? Ces mots célèbres, jetés le 14 janvier 1978 au public du Winterland à San Francisco par Johnny Rotten, alors qu'il quittait la scène, étaient plus un aveu qu'une véritable question. Johnny, pourtant leader du groupe le plus dangereux du monde, arrivait à saturation. Il était écœuré par la musique des Sex Pistols, fatigué de son personnage de Rotten et consterné par la tournure que prenait le mouvement punk. Le Winterland marquait la fin de l'aventure mouvementée de la première tournée américaine des Pistols. Quelques jours après, le groupe éclatait dans la confusion et les rancœurs. We'll be right back. J'ai ensuite rencontré Peter Hein. C'était encore à mes débuts à Düsseldorf, dit Franz Billmeier. L'époque où le premier Clash venait de sortir. Il avait enfilé les trombones sur le col de sa veste rouge. Il venait à sa pause de midi au magasin de disques pour demander pour la 10e fois si son disque était arrivé. L'amertume de Rotten ne datait pas d'hier. Elle s'était manifestée publiquement pour la première fois le 16 juillet 1977 lors d'une émission intitulée The Punk and His Music sur la station londonienne Capital Radio. L'aigreur de Rotten fut perceptible lorsqu'il s'en prit au manque d'originalité de nombreux groupes punk. On a vraiment l'impression de se faire entuber, tout est pareil, comment ça se fait ? L'émission faisait alterner interviews et sélections musicales de Rotten qui révéla en cette occasion des goûts bien plus éclectiques et sophistiqués que ce que son image publique laissait suggérer. Le premier titre, Sweet Surrender de Tim Buckley, une somptueuse et sensuelle chanson rhythm and blues gorgée de cordes, avait déjà de quoi surprendre ceux qui ne pensaient entendre rien d'autre que du punk. Pendant une heure et demie, ses choix ne cessèrent de déjouer les attentes des auditeurs. Reggae roots langoureux, travaux solo d'ex-membres du Velvet Underground, John Kay, Lou Reed et Nico, ainsi qu'un nombre étonnant de productions connotées hippie comme celle de Can, Captain Beefheart et de Third Ear Band, sans oublier deux chansons de son idole Peter Hamill, un prog rocker accompli. De cette époque, Brian Eno se souvient bien. Je savais que les groupes que j'avais produits sur No New York, qu'il s'agisse de Teenage, Jesus and the Jerks ou DNA, allaient à quelque chose près se séparer dans la foulée de l'enregistrement. Pourtant, j'avais dans l'idée qu'ils marqueraient les esprits aussi durablement que les mouvements esthétiques du début du XXe siècle. C'est exactement ce qu'explique également Anita Sarko, alors derrière les platines, à sa façon simple et directe dans l'ouvrage New York Noise. La vie avait des allures de performance artistique continuelle, mais débarrassée de toute prétention crispante. Tu pouvais faire ce que tu désirais. Si tu voulais peindre, tu peignais. Si tu voulais être musicien, tu prenais une putain de guitare. C'est d'ailleurs dommage que si peu de groupes aient été amenés à cheminer dans ces eaux inhospitalières. Un jour, quelqu'un écrira un livre sur l'étonnante scène musicale de Vancouver de 78-81, dont DOA était le groupe le plus renommé et qui reste à ce jour le secret le mieux gardé de l'histoire de la musique underground nord-américaine. C'est probablement parce qu'il n'y avait que les deux groupes les plus prometteurs de cette scène, DOA et les Subhumans, qui s'aventuraient à l'est du Mississippi, même si les Subhumans ne l'ont fait qu'une fois. Comme j'aurais aimé qu'il fût possible de voir en concert tous les autres groupes que Vancouver a engendrés, comme Young Canadians, Pointed Sticks, Modern Head, Wasted Lives, Dish Rags, Active Dogs, UJ3RK5, High Brain Eater, ainsi que Private School, l'ancien groupe de Dave Gregg, et les groupes qu'il faisait en parallèle, comme Sergeant Nick Penny's Band et Rude Norton. Mais cela souligne le fait que nous avions la chance que DOA arrive à supporter toutes les saloperies, pour employer le mot préféré de Joey, crap, avec le désir pur et simple de répandre l'éthique punk. Et c'est aussi une chance pour nous que le groupe dure si longtemps. Quand j'ai fait le DJ Rock Hotel lors de leur grand concert, je me suis fait un poids d'honneur à passer plein de morceaux de groupe de Vancouver trop méconnus avant que DOA monte sur scène pour les préparer mentalement avant de jouer. Les gens n'arrêtaient pas de venir me voir à la cabine du DJ, tout excités, pour me demander quel groupe passait sur la sono. Turn that up in the monitor. From the suburbs. We'll be right back. Fin 1980, j'avais tout juste 13 ans et j'écoutais différents trucs allant de Adam and the Ants à Killing Joke en passant par Stray Cats et Shaking Stevens. Mais quand mon cousin Anthony Mobbs Mowbray me fit écouter le single de Discharge, D-Control, mon point de vue sur la musique et plus généralement sur la vie, l'univers et tout le reste changea radicalement. Toute cette confusion liée à l'angoisse existentielle adolescente, ce détachement rebelle, cette frustration réprimée ainsi que l'énergie que je ressentais, semblait regroupée dans le formidable rugissement qui sortait de ces 45 tours crépitants. Mon univers marchait sur la tête, ou plutôt, il était retombé sur ses pieds, et soudain, beaucoup de choses se trouvaient à leur place pour la première fois. Tel est le pouvoir de la musique, et j'ai toujours la chair de poule quand j'entends D-Control. We'll be right back. Un jour du printemps 1991, début avril, ou peut-être en mars, Kurt Cobain introduit un nouveau riff dans une répétition de Nirvana. Un riff que plus tard le magazine Spin appellera les 9 secondes les plus importantes culturellement des années 90. Les répètes de Nirvana commencent souvent par de longs bœufs. Ça fonctionnait généralement à partir d'improvisations et de différents trucs, raconte Chris Novoselic, et le groupe fait tourner ce riff particulier pendant un bon moment. Presque une heure selon un récit. Ah! away wherever I go. Hard luck is there to stay. If I say yeah, people laugh, say I'm mad. If I say no, I think you're furious and I get sad. Good luck never stays a day. A bad luck's always coming my way. They call me a calamity man, but I'm trying as hard as I can to keep a bad luck away from me. I'm doomed to win the die, filled with misery. I took the trip and took my England on a ferry boat. After a while, it sank after being afloat. 2 years ago, I went on holidays on St. Marie. Leaving there, people, I full of grief. Good luck never stays a day. A bad luck always comes my way. They call me a calamity man, but I'm trying as hard as I can to keep my bad luck away from me. I'm doomed to win the night, filled with misery. My misery radiation made the crash completely. Good luck never stays a day. A bad luck always comes my way. They call me a calamity man, but I'm trying as hard as I can to keep bad luck away from me. I'm doomed with a life filled with misery. S'interrompit. Le plus drôle de sifflement était de plus en plus fort, une sorte de sifflement saccadé, presque comme... Elle regarda par-delà le bras de Steve. Elle ne voulait pas regarder, mais elle ne put s'en empêcher. Steve était tout blanc au-dessus du bandana, et ce n'était pas bon signe. Non, pas un sifflement, pas vraiment un bruit de crécelle. C'était la salle à manger. La famille était sur le point d'entamer le repas du soir, mais pas le repas de ce soir, elle le vit sur le champ. Il y avait des mouches qui zonzonnaient au-dessus du rôti, dont certaines tranches nourrissaient déjà des colonies d'asticots. Autour du maïs à la crème solidifiée dans son plat, la sauce formait une masse gélatineuse. Trois personnes étaient à table, une femme, un homme et un bébé dans une chaise haute. La femme portait encore le long tablier dans lequel elle avait fait la cuisine et le bébé un bavoir où était écrit « Je suis un grand garçon maintenant ». Il était un peu de côté, derrière sa tablette sur laquelle attendaient plusieurs tranches d'orange. Il contemplait Cynthia avec un sourire figé dans un visage violacé. Ses yeux sortaient de ses orbites boursouflées comme des grosses billes de loto. Ses parents étaient tout aussi boursouflés. Elle vit toute une série de trous sur le visage de l'homme, petits, presque comme les piqûres d'une seringue hypodermique, dont deux sur le côté du nez. Sur la table, plusieurs grands serpents à sonnette glissaient entre les plats en remuant le bout de leur queue. Tandis qu'elle regardait, le haut du tablier de la femme se gonfla, et pendant un instant, Cynthia la crut encore en vie, en dépit de son visage violacé et de ses yeux fixes. Elle crut qu'elle respirait. Puis la tête triangulaire d'un serpent sortit de son encolure à volant et de minuscules yeux noirs la regardèrent. Je suis le gouverneur Jerry Brown. Mon aura sourit et ne se fronce jamais. Bientôt, je serai président. Le pouvoir de Carter disparaîtra bientôt. Je serai fureur un jour, je vous commanderai tous. Vos gosses vont méditer à l'école. Californie, Uberalles, Uberalles, Californie. Des fascistes zen vous contrôleront. 100% naturel. Vous ferez du footing pour la race supérieure et porterez toujours le visage heureux. Fermez les yeux, ça ne peut pas arriver ici. Big Bro sur son cheval blanc se tient prêt. Les hippies ne reviendront pas, dites-vous. Détendez-vous ou vous le paierez. Californie, Uberalles, Uberalles, Californie. Nous voici en 1984, toc toc à ta porte d'entrée. C'est la police secrète en din. Ils sont venus pour ta nièce pas cool. Rends-toi tranquillement au camp, tu ferais une jolie lampe à ficelle. Ne t'inquiète pas, c'est seulement une douche. Pour tes vêtements, il y a une fine fleur. Meurs avec du gaz biologique toxique. Les œufs de serpent sont déjà éclos. Tu vas crever, toi, petit clown, quand tu trafiques avec le président Brown. Californie, Uber Alice, Californie. Vegetarian, a lot of we made. Don't wear saddles, wear boots on my feet. Go out for the night, one level for pain. Oh, it's wrong and it's fucked, I will today. Once in money to a foreign place. Watch the government stuff their face. Tell the beggars to get off their arse. I'm working on fucking middle class. This whole world is fucking mad. To be politically correct is fucking sad. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. Go out to football in England, turn. The old bill abused me, treat me like them. Done nothing wrong, but I have no say. They'd lock me up if they had their way. Why do all the scum and terrorists get off? Rapists and muggers, they had it fucking up. Can't offend them or infringe their rights. They murder, shame them and hang them in the night. This whole world is fucking mad. To be politically correct is fucking sad. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. One-legged lesbian daycare centres, equal opportunities. What about my fucking opportunity? I was on the door, that lady come through. My sister's the right fucking thing to do. With the news of the world and the light of sun, they say I should read the Guardian. A light pays free and the sun is small. And a light frame one up top of soul. Just leave me alone, took a down the cab. For the night, go and mug it, a burger in a gap. This whole world is fucking mad. To be politically correct is fucking sad. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. Politically incorrect. La réputation de Don Letts en tant que personnage influent attire l'attention de Bob Marley quand il se rend à Londres durant cette période. Bien qu'au début, il fût outragé par le comportement rebelle de Don, qui n'était pas conforme à sa culture rasta. Aux yeux de Bob, il traînait avec des personnages douteux. Whoa, whoa. Il existe communément dans la société moderne un sentiment d'aliénation si puissant et tellement répandu que cela en est devenu banal et pleinement accepté. Certains ont retrouvé leurs racines dans les rudiments de la révolution industrielle, quand le lieu de travail est devenu un second foyer pour les jeunes comme pour les vieux. Il n'est pas nécessaire d'être un érudit, marxiste ou sociologue pour comprendre le rôle de la production de masse et son efficacité maximum obtenue en suscitant l'aliénation. N'importe quel travailleur à la chaîne, vendeur par téléphone ou magasinier pourrait nous dire cela. Le plus étrange est que l'homme fut l'instigateur de ces sentiments qu'il reconnut et accepta comme normaux. Peut-être qu'à la fin du XXe siècle, on ne se souvient pas d'une période où de tels sentiments étaient inexistants et que nous sommes maintenant les joyeux héritiers de structures négatives qui engendrent l'aliénation. Rares sont ceux qui peuvent argumenter contre l'idée que les Occidentaux et aussi les Orientaux sont devenus tels des machines, installés dans la routine, bien confortablement, comme des objets. Mais ils sont destitués de leur sens profond et ont perdu l'équilibre en tant que créateurs d'un pouvoir subjectif. Yeah. Avec Pink, ce n'est pas toujours tout rose, pourrait-on dire. La musique pop de la chanteuse, compositrice et interprète qui ensoleille nos vies depuis le tout début de ce siècle n'a rien de particulièrement sucré ni de typiquement féminin. Il y en avait d'autres, des serpents par terre, sous la table, s'enroulant autour des chaussures de l'homme mort. Des serpents plus loin, dans la cuisine, elle envoyait un énorme des écailles en forme de losange sur le dos qui se déplaçait sur le plan de travail en formica, sous le four à micro-ondes. Plusieurs par terre se dirigeaient vers eux et vite. « Cours !» se cria-t-elle, et elle découvrit qu'elle ne pouvait pas bouger, comme si ses chaussures étaient collées au sol. Les serpents étaient ce qu'elle détestait le plus au monde. Elle en avait une telle aversion qu'elle aurait été incapable de la décrire avec des mots ou même de la comprendre. Et cette maison en était pleine, il pouvait y en avoir encore d'autres derrière eux, entre eux et la porte. Steve la poussa en arrière. Quand il comprit qu'elle était pétrifiée de terreur, il la souleva dans ses bras et partit en courant vers la nuit, par-delà le seuil, comme un jeune marié, mais en sens inverse. « Steve, Steve, est-ce que tu as vu ?» La portière du côté de la jeune fille était toujours ouverte et il la jeta à l'intérieur du camion avant de contourner l'avant en courant pour monter de son côté. Il regarda à travers le pare-brise le rectangle lumineux de la porte d'entrée, puis il regarda Cynthia. Les yeux étaient exorbités au-dessus du bandana. « Bien sûr que j'ai vu, tous les serpents de la planète étaient là et ils venaient tous vers nous. Je n'ai pas pu courir, les serpents me font si peur, je suis désolé. C'est ma faute, c'est moi qui nous ai entraînés là-dedans. » Il passa la marche arrière et recula par à-coup jusqu'à la rue, pivotant pour que l'avant du camion pointe vers l'est, vers les bicyclettes par terre, la clôture écrasée et le feu dansant au croisement. We'll be right back. Don Letts, la compréhension de nos différences nous a rapprochés. Il n'était pas question d'essayer de se ressembler. Je ne voulais pas avoir une iroquoise, Joe Strummer ne voulait pas avoir des dreadlocks, même si Harry en avait. Harry est particulièrement caméléon. En tant qu'être humain, elle se métamorphose autant que cet animal. Elle ne parle cependant pas l'espagnol. Bon, personne n'est parfait. Lazy slam, tonight I just want to lazy. Me no want you wake me. No wake me none of time. Me just want it lazy, nice and smooth and lazy. Don't wake me, just take me, yeah, take me. Don't wake me, don't wake me. Sleeping, but why you take me deep in my sleep tonight? Deep in my sleep to sleep tight. Take me in my sleep tonight. No fight, no light. Squeezing it tight till me start walk. I fling it back to you. One man in my life, that are you. Don't wake me, just take me. Yeah, take me. Don't wake me. Don't wake me, just take me. Yeah, take me. Don't wake me. Don't wake me, just take me. Permission once, I the lazy slum do it twice, I the crazy slum lazy, lazy till slum. We get crazy. Nothing will faze me, cause you amaze me. Give me it lazy till we get crazy, or maybe just keep it lazy. On the stars, on the grass, in a bath, in a car. But tonight, me want you bring it to me in bed, deep in my sleep, like I said. Me wake gradually, slowly, respond suddenly. You know me, give me slow wine, show a sign, you're hungry mind. A fine time, lazy. No, it's not, but it's not, baby. Just give me it lazy, cause you amaze me. On our safe and makes the best. Whirlpool, it takes the best of us. Whirlpool, it takes the best. Whirlpool, it takes the best of us. Whirlpool, whirlpool, whirlpool, it takes the best of us. Whirlpool, whirlpool, whirlpool, it takes the best. Whirlpool, whirlpool, whirlpool, it takes the best. Whirlpool, whirlpool, whirlpool, it takes the best of us. En interrogeant sous divers aspects le rapport entre philosophie et politique à l'âge classique, de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIIe, j'ai voulu mettre en évidence la teneur philosophique des concepts politiques qui émergent à cette époque où ils font l'objet d'une définition renouvelée. Mettre en évidence la teneur philosophique des concepts politiques signifie pour moi réactiver une interrogation sur les présuppositions et les implications métaphysiques de ces concepts. dire vrai, à un moment, il y a eu tout un tas de mecs qui en avaient envie. Mais c'est une autre histoire. Je vais en revenir à la saga des Yardbirds, sinon on va tous digresser jusqu'à la fin de la couche d'ozone. Alors, écoutez, écoutez bien et posez pas de questions avant la fin. Yeah. Sanchez avait horreur que des inconnus entrent dans son bar. En fait, il détestait également les habitués, mais il les accueillait tout simplement parce qu'il avait peur d'eux. Et conduire un habitué, ce serait signer son propre arrêt de mort. Les criminels qui fréquentaient le tapioca étaient toujours à l'affût de la moindre occasion d'y prouver ce qu'ils valaient, parce que c'était le plus sûr moyen d'acquérir une renommée jusqu'au sommet de la hiérarchie du monde du crime. Yeah!